approche d'un micro. Alors, la semaine dernière, il y a une personne qui a perdu son chat. Vous vous rappelez peut-être, c'est que c'était ici. Mais cette semaine, il y a une personne qui a trouvé un chat. Ce chat l'a fait travailler énormément. Ma question est hors sujet, mais on m'a dit que vous aviez une vision de la réincarnation très particulière. En parlez-vous en séminaire? Le séminaire que je donne, c'est a pour but de répondre à toutes les questions que j'en pose, et on est 2 jours de temps en intensif à poser des questions, et moi, je réponds. Alors, nécessairement, si on me demande c'est quoi la réincarnation, bien, j'en parle normalement pendant 5-6 heures, parce qu'il y a énormément de choses que l'on doit savoir pour arriver à comprendre un paquet de mécaniques qui nous regardent. Quand on parle de réincarnation, on parle du karma, on parle aussi de l'évolution de l'âme, on parle de son rôle, on parle de qu'est-ce qui manipule l'humain, parce que le phénomène réincarnationnel provient du monde de la mort. Du monde de la mort proviennent toutes les misères de l'homme, c'est-à-dire du ciel proviennent toutes les misères de l'homme. Et on en parle, effectivement. Je réponds aux questions des gens, donc dans le séminaire, on en parle. Quel est... Bon, disons, qu'allez-vous pouvoir dire de plus sur l'argent qui n'a pas été dit? Bien, je vais venir la semaine prochaine. Et puis, après la conférence, eh bien, je pourrai vous répondre. Là, je n'ai aucune idée de ce que je vais dire. Et bon, alors allons-y avec une petite sprint de questions, il y en a quand même plusieurs. Est-ce que votre séminaire est encore bon, équivaut à plusieurs conférences, que peut-on y chercher de plus? Dans les conférences, j'explique des choses et je dois de temps en temps répéter certains mots pour expliquer certaines petites choses, etc. Dans le séminaire, j'explique avec du papier, des dessins, j'explique au fur et à mesure que les gens posent des questions, on m'interrompt au fur et à mesure qu'on veut m'interrompre, on amène toutes les questions qu'on veut m'amener, on peut argumenter, on peut s'amuser, on va en répondre, donc on peut aller chercher des choses. Dans le séminaire, on apprend un petit peu, mais c'est surtout une question d'énergie où on comprend, bref, on se conscientise assez que j'avertis bien les gens qu'après 3 semaines, à 1 mois après le séminaire, c'est préférable qu'ils ne prennent pas de décision majeure, parce que les décisions qu'ils vont prendre, ils ne sauront plus tellement pourquoi après. C'est une question d'énergie. En plus, ceux qui font le séminaire ont accès une fois par mois à une conférence qui dure de 3 heures à 4 heures, que je donne le 3e dimanche de chaque mois. Ils ont accès à un PMC plus qui dure 10 heures et qui se fait 3-4 fois par année. Et ils ont accès à d'autres choses dans le genre, comme un séminaire sur la colère mentale, enfin, ils ont d'autres phénomènes. Alors, il y a du travail qui se fait par la suite, étant donné que les individus ont la même base pour qu'on puisse discuter, dialoguer et travailler. Le séminaire, ce n'est pas quelque chose qui est en guirlande. Vous amenez des questions, puis moi, je réponds. Puis comme les personnes ont astiné, j'astine. Alors, de temps en temps, on a des médecins qui veulent en savoir un peu plus, et puis on répond. À un moment donné, c'était un physicien. Bon, alors, on a répondu, on s'est amusé, on a eu bien du plaisir. Alors, simplement, les personnes viennent et ils posent leurs questions. Quand ils n'ont pas de questions, ben, ça ne dérange pas. Moi, j'ai en masse de choses à dire et puis, veux, veux pas, les questions arrivent. Que pensez-vous de la formule liberté, déterminisme total, ou vivre par rapport à simplement exister? La liberté, elle n'existe pas sur la planète. Elle n'existe même pas dans l'univers. La liberté existe dans l'univers à 4 dimensions, c'est-à-dire dans l'espace-temps. La liberté, elle ne peut exister que dans la conscience de l'homme, lorsque l'homme aura été capable d'obliger les différentes personnalités réincarnatives, les différents phénomènes de l'âme, à se fusionner ensemble. Et lorsque celles-ci se seront suffisamment fusionnées ensemble, elles pourront être suffisamment homogènes pour pouvoir se réincarner dans 144 853 corps physiques. Cela, c'est dans quelques temps, évidemment, ce n'est pas tout de suite. C'est quand même relativement proche. Et lorsque cela sera fait, il y aura une seule forme d'expression biologique qui sera l'expression de l'intelligence instantanée, l'esprit, l'énergie supramentale. Et lorsque cela sera exprimé par l'homme, nécessairement, chaque être humain aura la même vision de la même chose en même temps. Ils ne seront pas collectifs, ils verront ce que les choses sont. Être collectif, c'est voir d'une façon collective ce que les choses ne sont pas. Et là, il y aura une liberté, c'est-à-dire que lorsque je me tasserai, tout le monde se tassera en même temps. Bon, alors je pourrai me tasser à volonté. Et lorsque j'aurai le goût de me tasser, c'est parce que l'autre debout a le goût de se tasser. Et moi, j'aurai le goût de me tasser, c'est qu'il pourra se tasser. La planète Terre, lorsqu'elle sera habitée par 144 853 êtres humains, elle offrira suffisamment d'espace pour permettre une forme de liberté, de libre arbitre. Et nécessairement, l'humain aura la faculté de contrôler son corps matériel et de contrôler la matière, c'est-à-dire que l'être humain aura fusionné son double éthérique, l'être humain aura éthérifié son corps physique, l'être humain sera parvenu à ce que le Nazaréen est parvenu lorsqu'il s'est ressuscité. Et lorsque cela sera fait, l'être humain aura la faculté aussi de manipuler totalement son monde à lui, parce que l'être humain vit sur différents mondes. On est tous apparemment assis dans la même salle. En réalité, on est tous sur des mondes parallèles similaires et différents, et on est tous assis tout seuls dans une salle. Parce qu'on est relié au niveau du monde de la mort, notre âme qui expérimente notre position géospatiale dans le monde de la mort se collectivise et mélange toutes les conditions géospatiales de tout le monde et elle les orchestre de façon à ce que tout le monde s'assoie l'un à côté de l'autre dans l'apparence. Ce qui fait qu'en réalité, si on s'assoit sur le corps de quelqu'un d'autre, on ne s'assoit pas sur lui, il n'est pas là. Étant donné que dans le monde psychologique, dans le monde astral, on a réellement l'impression qu'il est là, le corps physique est manipulé pour percevoir la présence de l'autre et lorsqu'on s'assoit, on a l'impression de s'asseoir sur l'autre. Et il démontre mais à côté de l'autre. Lors, tant que l'être humain sera régi par une évolution amique, il n'y aura pas de libre arbitre, ça n'existe pas. Le monde de la mort, ainsi que les dieux créés par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme, ont besoin du corps de l'homme pour que l'homme vive de l'expression, de l'émotion, pour que l'homme vive des événements émotifs qui énergétiquement nourrissent les égrégores du monde de la mort, et ça les fait vivre. Il n'y a pas de libre arbitre, pourquoi? Parce que la liberté de quelqu'un s'arrête, la liberté des autres commence. En partant, il n'y a pas de libre arbitre. Alors, lorsque l'on parle de liberté, comme le libre-arbitre, même chose, déterminisme total, ça ne peut pas se faire non plus pas dans le contexte actuel de l'évolution de notre planète. Vivre par rapport à simplement exister. Il y a une grande nuance. Il y a la chose qui existe. La table existe, le mur existe, la lampe existe. Il y a les choses qui mémorisent leur existence et en prennent conscience. L'homme, certains animaux, les autres ne font qu'exister, ils sont existentiels. Étant donné que l'homme prend conscience qu'il existe, de par sa mémoire, l'être humain d'existentiel devient expérientiel, pas expérimental. Expérimental, c'est lorsqu'on expérimente des choses sur lui. Expérientiel, c'est lorsqu'il doit expérimenter pour savoir qu'il est là. L'être humain devient donc expérientiel et il vit une évolution expérientielle. Cette évolution expérientielle a la faculté de modifier la structure de l'existentialité de la matière et lentement, on mémorise de l'instantané. La matière ne mémorise que la forme. Mémorisant l'événementiel et mémorisant l'instantané, lentement mémorise la conscience. Et ce qui engendre l'idée absurde dans l'âme qu'elle peut évoluer vers une conscience divine. Un jour, je serai avec Dieu. Tu ne seras pas avec Dieu, tu seras Dieu. Mais quand tu seras Dieu, tu ne seras plus ce que tu es. Donc, tu ne seras plus là. Alors, l'âme préfère être avec qu'à être. Lorsque l'être humain continue son cheminement ascendant, lorsqu'il accumule de l'énergie, et finalement lorsqu'il devient un être humain, et lorsqu'il n'est plus un animal humain, il a la faculté d'exprimer par son système biologique, par son corps physique, l'instantané. Alors là, il développe la conscience. Et de l'existentiel, il redevient, de l'expérientiel, il redevient existentiel. Mais avec une nuance sur la matière, c'est que lui aura la conscience de l'instantané, ce qui va tout à fait le libérer. L'être humain n'a pas de libre arbitre. Par contre, l'être humain peut développer une liberté dans sa conscience. La conscience de l'homme est libre. Elle est libre dans la conscience. Elle n'est pas libre de s'exprimer. Elle n'est pas libre de faire bouger la matière. Pourquoi? Parce que c'est le corps physique qui devra faire ces choses et le corps est investi de l'âme. Et l'âme est totalement manipulée. Lorsque la conscience, l'être humain est libre dans sa conscience. La conscience n'est pas libre. L'être humain est libre dans sa conscience. Plus la conscience devient le maître contrôleur à bord du corps physique, plus l'homme ancien, la femme ancienne, l'enfant ancien devient transitivement l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, eh bien, plus l'homme devient son seul maître à bord du corps physique. Il n'est pas maître à bord de la planète. Il n'est pas maître à bord de la galaxie, à bord de l'univers, du super-univers ou de la création. Il est libre dans sa conscience. Alors, lorsqu'il pleut, il ne le dérange pas. C'est lui qui décide comment il vit. Lorsqu'on lui donne une claque en plein visage, il n'est pas frustré. C'est lui qui décide comment il vit. S'il veut bloquer le coup, il bloque le coup. S'il veut donner une claque, il donne une claque. Lui, il ne vit rien émotivement, il n'est pas frustré. Et ceux qui disent que l'être humain est un robot lorsqu'il devient un homme nouveau, ben on a le choix à être apparemment comme un robot, mais ça n'a rien à voir avec le robot, ou à être un robot qui ne ressemble pas à un robot, à être un être humain conventionnel, qui est facilement programmable. On vous promet dans le métro, puis vous vous dites, tiens, cette personne-là, on va la mettre en colère. Mais comment tu vas faire? Ben, programmer, c'est bien facile. Tu arrives à côté d'elle, puis tu suis ton pied sur son soulier. C'est simplement réglé, c'est réglé bien droit. Elle est programmée, elle n'aura pas le choix. Elle va sécréter des hormones et elle va rentrer dans une lignée particulière. C'est très facile. L'être humain qui se dit pas robot, ben il est programmé au complet. On dit que Dieu n'existe pas, il est. Expliquez, s'il vous plaît. On dit bien des choses. Bon. Dieu n'existe pas parce qu'il n'existe pas. Bon. Ça, c'est la première chose. C'est pas parce qu'il est, c'est parce qu'il n'existe pas. Pas comme lui-même qu'on soit. Alors, il faut s'entendre encore parce qu'on veut dire par le mot Dieu. Le Dieu qui promet l'enfer à ceux qui, programmés, font ce qu'ils doivent faire, mais qui ne plaît pas au concept spirituel d'une théologie, ce Dieu-là, c'est pas un Dieu, c'est une farce. Ah, cette farce-là. Bon. Si on parle d'un Dieu intentionnel qui a créactivé cet espace-temps, qui a densifié 13 dimensions en 4 dimensions, l'espace et le temps, si on parle d'un Dieu qui a engendré la création, dont les planètes, dont les galaxies, les étoiles, les trous et l'homme, si on parle de ce phénomène-là, un Dieu qu'on ne peut pas prier, on prie les dieux dans le monde de la mort. Ceux-là doivent nous servir. Ils ont puisé de l'énergie pendant des millions d'années. Ils ont obligé l'homme à se mettre à genoux, à prier et à donner tout ce qu'il avait comme énergie à ce monde de la mort. Ils ont obligé l'homme à craindre Dieu de façon à ce qu'il ait émotivement nourrisse encore cet égrégore. Ils ont obligé l'homme, par différents moyens, à tout foutre en haut. Là, on peut prier pour aller chercher, mais le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a créé, en fait, le phénomène au complet, ce n'est pas une personne, c'est un événement. Qui n'est pas existentiel, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'espace-temps. Si on veut appeler ça Dieu, un Dieu qu'on ne prie pas. Si on veut appeler ça Dieu, ce Dieu-là, il n'existe pas pour la simple raison qu'il n'est pas dans l'espace-temps. Vu qu'il n'est pas régi par le temps, il n'a pas le temps d'exister. Vu qu'il n'est pas régi par la matière, le temps est déterminé par le déplacement de la matière sur la matière. Donc, finalement, il n'a pas de matière, il n'a pas de temps, il n'est pas là. Il n'est pas là pour la seule raison que toute la création complète n'est pas là. J'ai déjà expliqué comment fonctionnait le temps. Et l'avenir n'existe pas. Le passé n'existe pas. Puis le présent, mais le présent, le mieux qu'on peut le conscientiser, reste aussi une fable, une farce, un mensonge cosmique. Parce que nous retenons un déplacement matériel, qu'on appelle un événement, qu'on appelle le déroulement du temps, parce que nous le mémorisons dans l'instantané présent, on dit c'est le passé. Quand je prends une bobine de film, d'un film d'une heure, bien l'heure est contenue dans ce film. Et à chaque millionième de seconde où je le vois, c'est une heure complète que je vois. Mais, parce que ma conscience, présentement ma conscience amique et mémorielle, elle est limitée à laisser la matière se frictionner sur elle-même pour engendrer l'illusion du temps, je devrais mettre ma bobine de film dans un projecteur et passer une heure à regarder l'instantané qui est complet dans la bobine pour pouvoir le canaliser chez moi. Et là, j'aurais dit, j'ai passé une heure, le film dure une heure, et là, je peux te conter l'histoire, ça va durer une heure. Sauf que ce que j'ai en mémoire est instantanément présent, comme ce qui est dans la bobine de film est instantanément présent. Le temps, le passé, le futur, n'existe pas. Alors, Dieu étant ce phénomène créationnel, est à l'extérieur de la création, et nécessairement, il n'y a pas de temps et d'espace là-bas. Notre cerveau fonctionne par l'espace-temps. Il prend du temps à répondre, et on a besoin d'un volume, une tridimensionnalité cérébrale. Notre boîte crânienne, elle a une hauteur, une largeur et une profondeur. Nécessairement, tout ce qu'on essaie d'expliquer est tributaire du temps et des trois dimensions matérielles, donc de l'espace-temps. Dieu est au-delà. L'expliquer, de temps en temps, on aborde ces phénomènes-là dans des conférences spéciales, les conférences du mois, ou un peu en séminaire, mais il faut dessiner énormément, puis il faut s'amuser, puis il faut donner des parallèles, des comparaisons, pour que finalement, l'âme arrive à avoir une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Même si c'est faux, il y a une idée que c'est autre chose que ce qu'il a toujours conscientisé. Comment surmonter le manque d'intérêt dans la vie? Ah, ben ça, c'est original. Tout le monde se plaint qu'il y a trop d'intérêt. L'âme est dans un périsprit, une enveloppe. Il y a un canal qui la relie au monde de la mort. C'est par ce canal que les personnalités réincarnatives sont descendues dans l'âme pour engendrer dans l'ovule et dans le spermatozoïde, ce qui sera plus tard la psychologie de l'enfant qui va naître. Et 24 heures sur 24, tout au long de la vie du corps physique, de ce canal réincarnationnel qui porte d'ailleurs votre prénom, c'est sa forme énergétique, va naître, va descendre des mémoires réincarnationnelles, des entités qui vont vous manipuler tout au long de votre vie. Mais cette manipulation-là, elle a un avantage pour l'âme et surtout pour l'anti-homme qui est anti-neuf dans l'âme, dans la mémoire, c'est qu'elle le stimule, elle lui donne le goût de vie. Alors, il s'écrase sur sa chaise, puis à un moment donné, bien, il y a une mémoire qui descend, puis pouf, ah ben tiens, tiens, moi comment, ah ben oui, puis bon, bon. Il arrive à un moment donné, où dans l'évolution de l'homme, que la mutation neuronique finit par engendrer l'étranglement de ce canal. Et quand ce canal commence à s'étrangler, bien, l'être humain est de moins en moins stimulé. Et normalement, quand cela est fait d'une façon convenable, on peut développer un autre canal, qui est un canal mental, qui est un canal qui est l'ajusteur de pensée, qui lui nous branche au monde de la mort, comme notre canal réincarnationnel. Mais l'avantage de ce fichu canal d'ajusteur de pensée, c'est qu'il est, il est mobile. On peut le brancher là où on veut. Tandis que le canal réincarnationnel, il est branché à une place, dans un égrégore particulier, et ça descend régulièrement dessus, contrôlé par un être contrôle. C'est pas tout à fait une entité. Lorsque ce canal-là, l'ajusteur de pensée, est suffisamment planté dans notre corps, dans notre système mental, le cortex neuronique, et qu'il peut instruire convenablement l'âme par sa relation périspritique, lorsque ce canal fonctionne convenablement, eh bien là, bien, on peut recommencer à vivre. Et puis lentement, il va chercher les mémoires au niveau du mental, et puis lentement, il se branche au niveau du plan supramental, le savoir instantané, et l'être humain devient un homme nouveau. Si ce canal mental n'est pas suffisamment stimulé par la parole, par une parole juste, par une extra-amisation, par un rejet de l'âme à l'extérieur du corps, par différentes techniques qui peuvent s'apprendre, si ce canal n'est pas suffisamment stimulé, eh bien, pendant que le canal relié au monde de la mort s'étrangle, notre individu, ben, il n'a plus d'intérêt à la vie, il ne voit plus. Et il y a un danger. Le danger, c'est que l'anti-homme n'étant plus stimulé, parce que l'âme, ça sert à animer le corps, l'âme, ça n'évolue pas, ça sert à animer le corps, pour que l'être humain se casse la gueule de temps en temps, il s'achète un gobelet, il s'achète des pinottes, il voit un film, il se chicane, il se promène, il y a des déceptions. L'âme l'anime. Pour ça, ça mute le corps physique par les sécrétions hormonales. Lorsque le phénomène stimulateur de l'âme est légèrement étranglé, sinon étranglé énormément, eh bien, la personne, elle ne bouge plus. Vu qu'elle ne bouge plus, elle ne sécrète plus d'hormones. Sécrétant de moins en moins, bien, l'ego ne peut pas se lire. Vu qu'il n'y a pas le contact avec un ajusteur de pensée dans la majorité des cas, l'ego lentement meurt. Et on engendre une forme de dépression nouvelle. Et là, l'anti-homme risque, pareil, comme les dépressions conventionnelles, de finalement tuer le corps physique pour regagner le monde de la mort, de toute façon ne pas mourir, on appelle ça un suicide. Alors, comment surmonter le manque d'intérêt dans la vie? Apprendre à rencontrer des gens avec qui on peut parler. J'ai déjà donné un exercice que tout le monde peut pratiquer pour développer ce maudit contact avec l'ajusteur de pensée, parce que l'ajusteur de pensée est souvent inexpérimenté, il est souvent pré-personnalisé, s'il n'est pas impersonnalisé, et il y a différents problèmes. Et la chose, c'est de prendre des individus qui cheminent dans une conscientisation qui n'est pas exclusivement du point de vue émotif, donc une conscientisation qui est un point de vue plus pratique, et de poser des questions. Alors, le truc, c'est simple, c'est que je pose une question, puis l'autre en pose une meilleure que moi, puis moi j'en pose une meilleure que lui, puis lui en pose une meilleure que moi. On ne répond pas à nos questions, on pose des questions. Et poser des questions, c'est obliger ce petit canal à se brancher, puis finalement on arrive à retrouver une espèce de regain dans la vie. Pourquoi? Parce qu'on va maintenant avoir des réponses, on va avoir des raisons intelligentes de vivre, pas des raisons émotives. C'est pas une question d'intérêt, c'est une question de logique. On va finir. Pourquoi un langage tellement scientifique, parfois incompréhensible pour exprimer ce message? J'en conviens, tellement simple à comprendre. Pour la faible raison que si le message est simple à comprendre, si la personne elle a tout compris au complet le message que j'ai donné ce soir avec un langage qui n'était pas scientifique, parce que si vous voulez un langage scientifique, là, c'est compliqué. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la personne elle a compris ce qu'elle avait à comprendre, c'est bien. Le langage scientifique, qu'est-ce que c'est? C'est que bien souvent les gens... Et ça, c'est l'ego, c'est l'anti-homme, c'est l'orgueil qui fait cela. Je ne dis pas ça pour me défendre. Lorsqu'une personne va voir un médecin, elle sort de là, c'est un malade, c'est un maudit grand mot. Ah oui, le médecin, il te demande où tu as mal. Tu réponds, à l'estomac. Bon. Puis quand tu as le goût de vomir, tu réponds, j'ai mal au cœur. Bon. C'est bien beau, mais à un moment donné, le médecin, il est obligé de t'expliquer que le cœur, là, il est ici, on a mal au cœur, là. Puis quand tu as le goût de vomir, on a mal à l'estomac, l'estomac est en bas. Puis quand le médecin commence à discuter, bon, vous avez quoi? Ben, vous avez. Ben, il y a un tube, là, à travers 25 tubes qui part de votre pompe, là, et qui fait blouk-blouk chez vous. Bon, c'est ça. À un moment donné, le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il invente des mots pour pouvoir spécialiser son information pour arriver à discuter d'une façon précise. Alors, finalement, même chaque partie d'os a son nom. Chaque partie du corps a son nom, comme un automobile. Chaque partie de la mécanique a son nom. Ah, le mécanicien, ben c'est un imbécile, il m'explique ça pour que je comprenne rien. Va donc lire, et je vais être moins imbécile. Hein? C'est simple. Alors, les mots que j'emploie sont des mots qui sont précis, et je les définis suffisamment. Mais lorsque l'être humain veut toujours prendre les mêmes mots, par exemple, bon ben, devenez humble, Dieu vous aime, ça veut tellement plus rien dire que finalement on n'arrive pas nulle part. Les mots ont été galvaudés de A à Z. Quand une personne comprend simplement un message, ça va. Une autre fois, je vais revenir, et puis là, si je mets des mots simples, elle va absolument rien comprendre. Elle va dire simplement, ben oui, mais là, okay, franchement, attendez, c'est pas important. Les mots permettent la communication. Je n'emploie jamais de mots compliqués. Sauf que les mots de langue française qui n'existent pas, je dois les inventer. Si j'attends qu'on les invente, qu'une personne en France l'invente, la mette dans le dictionnaire pour après ça pouvoir me permettre de m'en servir, je reviendrai sur la planète dans 2000 ans. En attendant, je préfère les inventer. Ces mots-là, on peut poser une question, comme de temps en temps certaines personnes font, et pour le définir. Là, j'ai défini suffisamment en conférence. Le message, il est simple. Tous les messages sont simples. En voulez-vous des messages simples? C'est très facile. Cessez d'être ce que vous pensez que vous êtes, puis soyez donc ce que vous êtes. Voilà, c'est le message simple. Et là, qu'est-ce qu'on me dit dans ce temps-là? Ah, facile à dire, pas facile à faire. Bien, voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment le faire. Et là, je peux passer... C'est pas que je complique les choses. Mais votre âme, la constitution de l'âme, elle est beaucoup plus compliquée que l'homme aimerait qu'elle le soit. Et elle tourne et elle fait un paquet de choses. Alors, lorsqu'on règle un problème là, d'autres nouveaux mots viennent régler un problème là, d'autres nouveaux mots viennent régler un problème ailleurs, et finalement, il n'y a rien de compliqué sur la planète. Les messages simples, ils sont extraordinaires. Là-haut dessus a dit, il y a simplement le non-être, le non-existant. Et que c'est génial, quand on le comprend. À part de ça, ça n'a absolument aucun sens, c'est fait stupide. On peut en mettre, aimez-vous les uns les autres. C'est beau. Aimez vos amis comme vous-même. C'est ce que l'humain fait. Il est tu. Il passe sa vie à se brûler et à se détruire l'humain. C'est ce qu'il fait. Alors là, on va dire, c'est pas ça qu'il faut faire. Les messages sont très simples. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, ainsi soit-il. Et que le message est simple. Tu ouvres le canal et tu le fermes. Après ça, tout ce que tu fais ne sert à rien. Le message est simple, tu nourris le monde de la mort et tu te fais fourrer. Et que c'est simple. Les messages sont tous simples. La seule chose qu'il y a, c'est que si on ne les complique pas, pour arriver à passer par-dessus toutes les barrières de l'ego, le message simple ne passe jamais. On m'a déjà posé une conférence, une question lors de ma première conférence, c'est comment faire pour être en paix. Et moi, j'ai répondu, soyez en paix. C'est simple, hein? Il n'y a pas un qui a compris. La conscience du son de la tombe mentale, peux-tu donner des explications, merci. On va revenir, ça me fait un petit peu long. On va... L'âme se réincarne à la mort. Bah, non. La conscience se réincarne-t-elle? Non plus. Voudrais-tu expliquer? Oui. Bon, la réincarnation, j'ai fait plusieurs conférences là-dessus. Lorsque je dis à des individus, si vous voulez avoir plus d'informations, procurez-vous donc les cassettes au prix de 7 $ plus taxes. Là, les personnes, ils se disent, ouais, mais tu sais, à force d'acheter, c'est vrai, n'achetons pas. Conservons son argent et puis mourons plus tard. Bon, n'achetons pas. Surtout quand c'est des sujets qui nous intéressent. L'être humain, qu'est-ce qu'il fait, l'être humain? Il préfère passer 20 ans de sa vie à chercher une technique rapide plutôt que de passer 5 ans dans sa vie. 5 ans, puis non, il vaut-tu pas 5 ans de voir. Non, mieux vaut passer 20 ans à chercher une fois plus vite. Pas de temps à perdre. C'est ça. Alors, la réincarnation, j'en ai parlé énormément. La réincarnation telle qu'on la connaît, ce n'est pas bon. Dans mon séminaire, j'en parle évidemment, c'est sûr. L'âme se réincarne à la mort, c'est faux. Lorsque l'âme meurt, lorsque le corps physique meurt, l'âme, dans son enveloppe péristritique, monte dans le monde de la mort, dans le plan moronciel, qui est un endroit où on ne meurt, où on n'est pas mort, mais où on n'a plus de corps. C'est un endroit d'énergie vitale. Lorsqu'on réanime le corps physique, cette âme-là, elle revient. Elle n'a pas le choix. Qu'elle le veuille ou pas, que toutes les entités qui veulent posséder l'âme pour l'amener dans l'égrégore qui l'a vu naître viennent la chercher, elle va revenir dans le corps physique. Elle n'a pas le choix. Mais lorsque cette âme a été capable, lorsqu'elle a rencontré des entités merveilleuses qui sont venues la rencontrer là, et lui dire, « Viens-t'en avec nous autres, le cave! » Et là, l'âme, elle voit de la lumière. Puis là, elle voit quelque chose qu'elle se rappelle avoir connu. Ben oui, elle vient du monde de la mort. puis qu'elle ne sait pas ce que c'est, puis elle appelle ça Dieu. Fait que là, si tu en balais les anges, les archanges, ça vient, ça pullule. Oh là, l'âme, elle s'en va là-bas. Lorsqu'elle arrive proche du monde de la mort, le périsprit qui est de l'énergie vitale qui vibre trop bas n'entre pas dans le monde de la mort. Alors il vient se toucher à l'enveloppe du monde de la mort, qui est aussi du périsprit, et il s'ouvre. Et là, vous mourrez. Mac, vous rentrez dans le monde de la mort. Et là, ça va prendre quoi? Planétairement, selon le système standard de calcul du temps, ça va peut-être prendre 20, 30, 40, 50, même jusqu'à 1000 ans, pour que le monde de la mort vous digère totalement. Et là, lorsque vous avez totalement été digéré dans le monde de la mort, là, vous êtes mort. C'est-à-dire que ce qui était constitué n'existe plus. Mais les constituants sont toujours là. La forme n'est plus là. Alors là, vous ne dites pas, « Hey, je suis mort, wow! » Non, vous dites, « Là, tu viens. » Voilà. La conscience, elle, c'est la partie périspritique. Elle va rester, c'est une espèce d'amalgame de tout petit début, un embryon de dobétérique. Ça ne se réincarne pas parce que ça ne meurt pas. C'est-à-dire que ça va reconstituer un corps, mais ça ne reprend pas un corps. L'âme va venir dans un corps constitué par le périsprit. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver qu'une personne va naître sur la planète Terre, c'est-à-dire qu'un spermatozoïde qui vient fourrer un ovule, et puis ça commence à se multiplier, ça fabrique d'autres cellules, ça va, ça grossit, et puis lentement, les parties de toutes les âmes fusionnées dans le monde de la mort qui reconnaissent un corps qui leur semble, toutes les personnes violentes qui sont mortes se fusionnent. Et à un moment donné, bien là, il y a un corps qui permet l'expression endocrinienne de la violence. Alors lentement, ça se garoche, hein? Ça se garoche dans un canal, ça veut se rentrer là-dedans. Ça commence à se réincarner. Et puis finalement, quand l'enfant vient au monde, il est une pluralisation absolument complète d'un paquet de mémoires, d'un paquet d'individus. Et l'enfant, après ça, lorsque l'enfant commence à avoir un peu de conscience, de mémoriel de ce qu'il est, bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme tout le monde a dit, je me rappelle pas qu'est-ce que c'était dans mes vies antérieures. C'est évident, ça ne rappelle pas. C'était rien de ce que tu peux comprendre. C'est un mélange. Puis ton mélange, il se retrouve plus ou moins pareil dans un autre corps quelque part ailleurs sur la planète. Puis finalement, c'est une mémoire d'un paquet. On peut se reconnaître. Hey, il me semble que ça fait longtemps, c'est comme si on se connaissait. Hein? Ça fait 5 minutes qu'on se voit, puis c'est comme si ça faisait 20 ans qu'on se connaîtrait. Peut-être que d'une vie antérieure, on était la même personne. Ah oui. C'est pas peut-être que d'une vie antérieure, on s'est Non. Qu'on était la même personne, oui. Alors, lorsqu'une personne meurt, elle ne se réincarne pas. Par contre, ça peut prendre, du point de vue standard, 1000 ans avant qu'une personne revienne dans le monde de la mort, ça ne paraît pas le temps comme on l'a ici. Vous savez, quand psychologiquement, vous trouvez que le temps passe vite ou que le temps passe lentement, dans le monde de la mort, là, on voit l'accordéon. Dans la matière, l'heure tourne à la même vitesse. Alors, si ça prend 1000 ans avant que vous vous réincarniez, avant que des parties de votre expérience planétaire se réincarnent, dans le monde de la mort, c'est quelques secondes. C'est pas de problème, là. La conscience se réincarne-t-elle? Non. La conscience, elle ne meurt pas. La conscience, elle est toujours au niveau du corps physique par le biais de chérubins, de séraphins, donc d'une énergie chérubinique ou séraphique, et par le biais d'ajusteurs de pensée, depuis que l'homme a la faculté d'avoir une pensée orale, une pensée avec des mots. Il ne parle pas dans sa tête, mais on pense avec les mots. Doit-on... Bon, on va revenir quand j'aurai les yeux plus propres. On revient aussi. Quand on a mal, comment identifier si c'est l'âme qui agit et qu'on doit arrêter? Ou bien si c'est notre vrai moi et qu'on doit... Bon, vous savez, notre vrai moi, c'est quoi notre vrai moi? Notre vrai moi, c'est une illusion, une farce, une attrape amique. Notre vrai moi, c'est une connerie. Pas qu'à personne qui en parle les codes. Je dis que ce qui a été instruit, notre vrai moi. Parce que l'âme se recherche, puis que finalement, elle se frappe toujours le nez sur les murs, bien, elle engendre l'idée que peut-être que ce qui est là, c'est le faux moi, puis qu'il y a un vrai moi quelque part. De lentement, définis c'est quoi le vrai moi. Et puis l'âme va lentement se transformer pour se donner le jeu que c'est elle. Et là, dire, ah, maintenant, je me connais. Tu te connais peut-être. En te connaissant, tu sais ce que tu étais, mais tu sais jamais ce que tu es. Parce que c'est une connaissance qui reste mémorielle. Son vrai moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'identification. Il n'y a pas d'identification sur le vrai moi. À travers ce que les théologies n'ont pas dit, les colorations qui ont été amenées, il y a certaines choses qui restent réelles. Alors, on dit que Dieu est partout. Mais s'il est partout, c'est que Dieu est présentement dans chacun de vos corps. Il est la substance même atomique qui le constitue. Il est aussi tout ce que vous avez mangé. Il est présentement la chaise qui vous supporte. Dieu est justement l'espace qui existe entre vos fesses et la chaise. Dieu est entre vous et moi. Dieu est entre cette planète et l'extérieur. Nécessairement, cela veut dire qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de moi. L'identité, j'ai déjà fait une conférence sur l'inidentification. L'identité est une farce cosmique. Quand vous prenez de l'eau dans un verre, vous dites, c'est de l'eau. Presque tout votre corps est constitué d'eau et vous dites, c'est mon corps, c'est moi. Et quand vous allez uriner, vous dites, c'est de la pisse. Mais c'est vous. Quelle différence y a-t-il entre une pomme, votre peau et les excréments? Mais voilà, c'est la même chose. Quand vous vous lavez, vous ôtez la crasse. Quand vous êtes bronzé, vous êtes brun. Et après un certain temps, le bronzage s'en va. Il ne retourne pas vers le soleil. Complet est en perpétuel changement. Vous ramassez de la matière et vous en rejetez. Il n'y a personne ici qui a les mêmes atomes qu'à sa naissance. Mais votre personnalité, l'identification que vous avez dans la forme au travers duquel passe la matière, votre forme reste là, ça vous la conservez. Et on recherche le vrai moi, qu'il soit psychologique, qu'il soit spirituel. La spiritualité est un grand piège de l'évolution. Et qu'il soit matériel, c'est la même chose. Il n'y en a pas. Lorsque vous êtes constitué à 90% d'eau, c'est de l'eau. Et il n'y a que quelques ions à travers cela qui viennent constituer le reste. L'eau qui est à l'intérieur de vous, ça en fait des gallons d'eau. Quand vous vous baignez dans une piscine, l'eau qui touche votre peau la touche de la même façon que votre sang. Et que toute l'eau qui est dans les cellules et que tous les liquides interstitiels qui se promènent dans votre corps, c'est la même chose. Mais parce que nous sommes confrontés à une mémoire dans le monde de la mort qui délimite dans la matière une coupure de quelque chose, et dans cette coupure, on dit ça, c'est moi. Parce que la coupure, elle se défait et elle se refait en avant, eh bien, on dit tiens, j'avance. Et parce que, etc. Cherchez son vrai moi. Si, et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'il y en est, c'est de l'énergie. Vous êtes de l'énergie. On vous prend. On vous écrase, on fait de vous, on vous écrase convenablement, là, puis on fait de vous un petit cube, bien compact. Il y a beaucoup d'eau qui va sortir. Bon, après ça, du sang. Bon. On écrase tout ça au complet, puis on garde même le liquide, là, puis on compacte ça au maximum. On met des tonnes et des tonnes là-dessus. Vous serez plus gros. Puis là, on compacte encore, puis on compacte au maximum, puis après ça, on met ça quelque part, là, on met ça dans un récipient en acier. Et puis, on s'organise pour envoyer sur ça ici un missile, un objet, un boulet, quelque chose de particulier. À une vitesse tellement rapide que les deux parties, votre corps ainsi que ce qui va venir le frapper, les champs électromagnétiques qui empêchent les atomes de se toucher ne seront pas assez puissants. On l'envoie tellement rapidement qu'il vient fracasser vos atomes. Et on a maintenant une explosion thermonucléaire devant nous. Vous êtes de l'énergie. Cette énergie-là, c'est la même énergie qu'on retrouve dans le crapaud, qu'on retrouve dans le tapis, qu'on retrouve dans l'uranium, qu'on retrouve dans le plutonium. C'est facile à faire sauter. C'est pour ça qu'on s'en sert encore pour faire des bombes nucléaires. Mais qu'on retrouve partout, c'est la même énergie. On la retrouve dans les photons. On la retrouve dans les neutrinos qui vous traversent et qui ne vous dérangent même pas. On la retrouve dans le rayonnement ionisant. On la retrouve dans n'importe quoi. Et à travers cette chose-là, bref, cette énergie-là, qui finalement est la même affaire partout, mais exprimé dans des formes différentes, eh bien, on recherche notre moi. Et le gros, gros problème, c'est que moi, je cherche mon moi réel. Imaginez-vous comment on peut arriver à le trouver. Moi, le faux, je cherche mon moi réel. Mon moi réel m'appartient à moi, le faux. C'est mon moi réel. Qui suis-je qui peut dire mon moi? Peut-être que celui qui dit « mon moi » est l'âme. Peut-être que ce qui dit « mon moi » est la conscience. Mais le moi reste de toute manière un élément. confusion. De toute façon, les personnes qui de temps en temps viennent ici trouvent ça plate parce qu'ils arrivent avec des idées, des concepts, puis quand ils repartent, ben là, ils repartent en béquille. Puis souvent, ils ne reviennent plus. Au lieu de plus revenir lorsqu'on touche juste, mais on s'arrange pour continuer à poser des questions. Je ne dis pas ça pour remplir les salles. Je n'ai pas besoin de remplir les salles. Si je voudrais remplir les salles avec toute l'information que j'ai donnée depuis 4 ans, j'aurais juste à mettre de l'émotion et à mettre de la spiritualité là-dedans, puis je remplirais le stade olympique. Pas besoin de remplir les salles. Ce que je dis simplement, c'est que l'être humain qui fait une démarche, qui fait un cheminement, il doit placer son énergie là où il en a besoin. On dépense facilement pour un système vidéo, alors qu'on a peur de se faire fourrer, de se faire avoir, de se faire avoler en achetant des livres comme la Cosmogonie d'Urantia qu'on lira peut-être jamais parce que c'est trop épais. Peut-être on a peur aussi de se faire avoir en allant s'inscrire dans une école de croissance parce que dernièrement, il y a eu des choses. On a peur de rentrer dans une secte et de se faire carrément avoir. Vous savez une chose, dans 70 ans d'ici ou dans 20 ans d'ici, qu'est-ce qui va rester de votre argent et de tout ce que vous allez avoir accumulé? Il va rester la forme dans laquelle vous êtes identifié, votre corps physique, il va rester votre conscience, il va rester vous. Vous êtes rentré dans une secte, vous avez vendu votre maison, vendu votre char, vendu votre chat. Puis là, vous rentrez dans la secte. Puis on vous baptise, puis on vous coupe les cheveux, puis on vous maquille, puis on vous organise. Puis là, vous priez le Dieu grégorien de cette secte-là. Vous mettez de l'énergie là-dedans, vous en mettez plein. Il vit, il grossit. Puis à un moment donné, après 10 ans, on vous sort de là, ben non, vous vous en sortez, puis vous vous dites, je me suis fait avoir. Là, il faut que je reparte à zéro. Quand tu viens au monde, tu repars à zéro. Plus de fois l'être humain se risque de repartir à zéro dans sa vie, plus il sauve de vie. Parce que là, il apprend. Toute la matière au complet, la vie au complet, elle n'est pas là pour qu'on la conserve, elle est là pour qu'on s'en serve. C'est pas pareil. L'être humain continue à ramasser de la matière, il veut la conserver. Et puis finalement, ça ne sert à rien. Si on a encore 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie en avant de nous autres, pour pouvoir arriver à s'enligner, et collectionnons pas la matière et nos vieilles idées croches de façon à se sentir sécure là-dedans. On tout perd à un moment donné. Lorsqu'une personne pose des questions, lorsqu'une personne se sent frustrée, elle s'en va. Moi, quand j'allais rencontrer des gens qui me frustraient, c'est parce que je découvrais que ce que je pensais n'était pas assez solide pour résister à l'autre. Je ne me poussais pas. Ou bien j'avais tort, ou bien j'en profitais pour continuer à solidifier mon affaire. Un ou l'autre. Mais quand je vais quelque part, puis on prouve carrément que ce que je pensais était faux, puis ça me frustre, ben je me pousse pas. Si c'était pas assez solide, ben que ça tombe. Puis après ça, ce que m'a gobé là, ça retombe dans 2 ans, ça tombera. Il y a une chose qui va rester debout, moi. Ça, ils m'auront pas. Les idées m'ont mangé les idées. Des choses m'ont allé des choses. M'ont ramassé, m'ont posé des questions. Et puis, ils m'attendent. Surtout quand on vient voir un conférencier comme Daniel Kemp, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on se fasse dire qu'on est beau et qu'on est joli. Je le dis souvent, quand on va voir un dentiste, c'est pas pour qu'on nous dise dans les bonnes, 15 piastres, merci, vous reviendrez. C'est pas pour ça qu'on va voir un dentiste. C'est pour qu'ils nous disent, celle-là est carriée. Puis là, on ne dit pas, puis toi, il n'a pas de dent carriée, le cave. C'est pas ça qu'on dit au dentiste. Mais quand c'est au niveau de l'humain, c'est ce qui arrive. L'humain a tel problème. Ah, puis toi, t'es parfait, je pense. C'est ce qui se passe au niveau de l'évolution de l'humain. Parce que l'âme, moi, je suis un tueur d'âme. Oh, j'amène l'esprit, c'est intéressant. Je ne suis pas un messie, je ne suis rien de ça. Mais quand je dis que je suis un tueur d'âme, c'est que tous les voyants, les médiums qui vont fouiller dans le monde de la mort pour savoir qui est Daniel Kemp, ah ben ils se font charrier là. Puis moi, je les avertis. Allez pas prendre de l'information là, vous allez trouver de quoi de très laid. C'est votre choix. Continuez à venir ici, je vous garantis que quand vous allez les refouiller, ils vont vous dire que je suis beau et gentil. Parce qu'ils veulent vous conserver. Hein? Ils ont besoin de vous autres. Il y en a qui ont fait l'expérience. Et puis effectivement, la première fois quand tu es vérifié, j'étais laid. Ils ont continué à venir pour voir. Ils ont été vérifiés, j'étais beau. Parce que là, ils ont dit, si tu le trouves pas beau, je reviens plus et que j'étais beau. Là. L'âme, c'est ça qui est frustré. Lorsque l'être humain évolue, il doit se servir de sa vie. Pas la préserver, ça sert à rien de préserver une vie que la nature va de toute façon vous ôter. Pourquoi elle va vous l'ôter? Parce que vous n'avez rien foutu avec. Lorsque l'être humain vit, il s'en sert de sa vie. Alors il risque, à un moment donné, il rencontre une femme ou un homme, il décide d'avoir des enfants, former un foyer. C'est risqué en maudit. Mais là, au moins, tu sers à quelque chose. Puis en plus, ton évolution, elle est transmise génétiquement. Tu vas renaître plus tard dans ta famille, ça te donne un avantage. Puis en plus, si tu instruis les enfants convenablement, ils vont continuer à préserver ce que tu fais en instruisant les autres, sans venir dans un monde que tu vas connaître. Et là, tu seras heureux, au moins, en étant dans une famille que tu reconnais. point que tu connais et que tu reconnais. L'être humain passe son temps à avoir peur de risquer. Oh, mais il y a tellement qui se font avoir. C'est comme ceux qui viennent me dire que l'Église catholique est là. Elle a volé, elle a manipulé, elle a fourré tout le monde. Hey, c'est écœurant! Pourquoi maintenant tu es capable de te tenir debout devant l'Église catholique? C'est parce que justement elle t'a permis de te tenir debout. C'est parce qu'à la force, de t'écraser, t'a forcé de te lever. Elle t'écrasait. Tu t'es renforcé. Quand tu es devenu plus fort qu'elle, t'es sorti. C'est normal. L'Église est bonne. Elle est plus utile pour certains. Elle ne devient pas mauvaise, elle est plus utile. Les personnes qui rentrent dans les sectes, les personnes qui viennent ici, bon, de temps en temps, je dis, c'est simple, vous avez des questions à poser, je peux répondre à des questions. Ce que je ne peux pas répondre, cherche ailleurs. Et il y a des choses que je ne réponds pas. Et il y en a d'autres qui vont répondre. Alors là, je le dis carrément, il faut y ailleurs. Mais ce que je peux répondre, bien, les gens, ils ne savent pas trop, c'est 10 piastres, c'est cher. Ben oui, c'est cher, 10 piastres. C'est cher, 10 piastres. On pourrait faire ça dans un sol d'église, sur des chaises extrêmement inconfortables, puis on pourrait changer 5 piastres. C'est moins cher. Les gens, qu'est-ce qu'ils diraient? Ils diraient, c'est cher, 5 piastres. C'est cher. Mais pour aller voir Bob George au forum, 55 piastres, pas cher. Ah, non, pas cher. La distraction, pas de problème. 6 piastres et demi pour aller au cinéma, plus le popcorn, 10 piastres. Mais on sort de là avec quoi? 2 heures de distraction. Et puis après, ça fait quoi? Il y a quelques films qui sont bons. Qui même à 15 ou à 20 piastres sont bons. Mais l'être humain, qu'est-ce qu'il fait l'être humain? C'est qu'il a toujours peur. C'est correct. Et c'est pas correct. Plus un être humain se fait avoir de foi, cela veut dire que plus de foi il s'est rendu compte qu'il s'est fait avoir. Ça veut juste dire qu'il est volé, mais qu'il se conscience. S'il se fait avoir rien qu'une fois dans sa vie, il s'est peut-être fait avoir tout le temps, mais il l'a vu une fois. Il n'est pas mieux qu'un autre. Moi, je me suis fait avoir une fois, jamais pu recommencer. T'es fait depuis 50 ans. Mais tu le sais pas, t'es un mort qu'on va enterrer plus tard. L'être humain, je ne dis pas ça pour ici, quelle que soit la place, on doit y aller. On doit faire quelque chose avec notre vie. On ramasse de l'argent, il en faut de l'argent. Pas pour la mettre en banque, pour créer une sécurité du point de vue de l'ego. Regarde, quand tu vas mourir, là, mais tu vas ouais, laisser 50 000 piastres en arrière. Et tes enfants vont se dilapider comme ça. Oh, ben non, ça va aller, ou ma maman, ou voilà, ça sert. Il y a des personnes âgées là, qui ont une maison, qui en sont fiers. Ce qu'on peut leur suggérer, c'est « vends ta maison ». Ah oui, mais j'aurais plus de maison. Avec 150 000 piastres, tu pourras bien t'en louer une cabane. Puis tu auras peut-être encore 125 000 piastres pour faire quelque chose. Ben non, on se fait du chèque de pension, puis on embarque dans le petit boss de l'âge d'or, là, où ce qu'on dort dedans, puis on s'en va, puis on voit pas trop, puis on arrive là-bas, puis là, on nous amuse, on nous distrait, on nous occupe. C'est rentable d'occuper les personnes âgées. C'est pour ça qu'on les occupe. Si ce serait pas rentable, on les occuperait pas. L'être humain doit se servir de sa vie. De ne pas la préserver. Lorsque je parle de plusieurs choses, on parle de mots, on parle de réincarnation, on parle d'âme, il n'y a pas de problème. Tout ce qui a été dit dans le passé est vrai. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est peut-être 1/1000 de ce qu'il faut dire qui a été dit. Moi, j'en rajoute une partie. D'autres en rajoutent d'autres parties. Puis au fur et à mesure qu'il y aura des humains qui seront de plus en plus prêts à écouter sans paniquer, puis sans se suicider, puis sans avoir de problèmes psychologiques, d'autres choses vont se rajouter. Il n'est pas question d'avoir la vérité. La vérité est une farce. Il est question simplement de parler de réalité. Quand on amène une théorie qui semble expliquer tout au complet, pourquoi la rejeter au nom du fait que ça cause ce que je pensais? Ça fait 25 ans que je pensais ça. Maintenant que je vois différemment, ben crime, je suis un cave. Moi, ça fait 25 ans que je croyais ça, puis là, je me rends compte que faut pas être cave, j'en reviens plus. Là, t'es cave. C'est simple. Faut que l'être humain se donne le privilège et le droit, et c'est la conscience qui fait ça, de changer d'opinion, de changer de religion, de changer de théorie, de changer de croyance, de changer de foi. Oui, mais quand je change tout ça, il ne me reste plus rien. Tant mieux, il reste toi. C'est mieux que tout le reste. Tout ce qui est capable d'éclater chez vous. Toutes les sectes, qu'est-ce qu'ils disent? Allez pas ailleurs. Mais moi, si j'aurais une secte, je dirais, allez ailleurs. Et ceux qui vont rester, c'est ceux qui vont comprendre. Mais ça ne sera pas une secte. Mais là, oui, on doit aller fouiller ailleurs. Oui, mais après ça, là, je suis tout mélangé. C'est parce que tu te fies trop à l'opinion de tout le monde. Tu dois aller chercher ailleurs, puis quand tu t'es écœuré d'être mélangé, tu as fini par te la faire, ton opinion. Là, ça commence à marcher. Puis après ça, tu vas encore ailleurs. Les gens fuient les places parce qu'ils ne veulent pas être mélangés. Là, je suis mis un cours pour apprendre la Bible, mais je ne sais pas quel cours suit, parce qu'il y a l'ambassadeur collège qui en amène un, il y a les témoins de Jéhovah qui en amène un, il y a... Vends ta Bible. Règle ton problème. Ou bien non, décide toi-même d'inventer un nouveau cours que tu donneras à personne d'autre qu'à toi. Ouais, mais là, il n'y a rien qui me dit que je suis correct. Puis ça, il n'y a rien qui dit qu'ils sont corrects. Moi, je rencontre des témoins de Jéhovah, puis qu'est-ce qu'ils me disent qu'ils sont corrects? Ben oui, non, non, mais ils sont 10 000 à penser ça. Il était combien d'Allemands, combien de millions d'Allemands à penser qu'ils avaient raison? C'est pas 10 000. Même s'il y aurait 5 milliards d'humains qui diraient que telle affaire est comme ça, ça ne change rien. Si je ne le vibre pas, moi, ben il n'y a rien à faire, je lutte contre l'humanité. Tant pis pour elle. Alors, l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'en va chercher une autorité. Ben, la Bible, vous l'achetez. La cosmogonie, vous l'achetez. Le Coran, vous l'achetez. Les livres de l'Obsam Rampa, vous les achetez. Faites ce que vous voulez, mais une chose qui est sûre, c'est que cessez d'avoir peur de faire, de vous faire avoir. On vient à une conférence, ça ne va pas pantoute, puis on veut s'en aller, sachez une chose. C'est qu'il y a un gros problème quelque part. Même si j'ai totalement tort, si ça ébranle ce qui se passe chez vous, c'est que vous avez tort. Même si j'ai tort, ça ne change rien. Parce que si on est ébranlé, c'est que c'est au niveau de l'âme, au niveau des mémoires. La nouvelle information vient de briser les pattes qu'il y a dedans. Alors, on ne se pousse pas. Il y a des personnes, à un moment donné, au niveau des cours PMC, il y a des personnes qui avaient une partie du cours, il y a une partie du cours, c'est au niveau de la condition physique, hein, faut remettre ça en forme un peu. Ah, il y a des personnes là, qui, après 3 ou 4 marches, là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils lâchent. Là, ils ont la preuve en pleine face qu'ils en ont besoin. Réaction de l'âme. Oui, mais je me connais comme ayant des problèmes, autant rester sécure puis continuer à avoir des problèmes. L'être humain, il débarrasse le plancher du moment qu'il commence à vivre des problèmes au niveau de son évolution. Alors, ça change, c'est ridicule. Les systèmes de santé, on ne les vend pas pour vous mettre en forme, on les vend pour vous mettre beau. Là, ça marche. Les diètes, c'est pareil. Voulez-vous ressembler à machin chouette, là? Ça, c'était avant qu'il y ait d'anorexie, là. Mais, voulez-vous ressembler à elle? Mais voilà, là, tout le monde se garoche. Encore l'âme. Je répète, quand on va quelque part, puis que ça ne va pas, puis qu'on est choqué ou quoi que ce soit, c'est impeccable. Un jour, j'ai dit dans la salle ici, j'ai bien averti, j'ai refait l'expérience ce soir, vous allez voir, il y en a encore qui ne viendront plus. J'ai bien averti, je vais sacrer, hein, juste pour le fun, comme ça, un exemple. Je vais sacrer. Un exemple. Même si c'est un exemple, il y en a qui restent frustrés. Quand on dit tabarnak de calice, allez-vous finir par comprendre? Non, là, il y en a qui restent frustrés. Parce que oui, une personne comme ça, il ne devrait pas faire ci, il ne devrait pas faire ça. C'est ça. Borons l'expression d'intelligence. Lorsqu'à un moment donné, Dieu voudra vous dire quelque chose, bien, vous direz à Dieu, « Hey, wow! Pas le même que du sang, niaiseux! Si je t'écoute, là, tu mets des gants blancs! » Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que chaque fois qu'on a un peu de contact avec l'instantané, chaque fois que notre conscience commence à vouloir nous ouvrir des portes chez nous, l'âme, elle vient lui dire comment elle doit marcher. Le Nazaréen était crucifié. Pourquoi? Parce qu'il ne marchait pas comme il devait marcher. Oui, non, un sauveur de l'humanité, c'est pas comme ça. Puis il y en a le paquet d'autres qui sont morts parce que c'est pas comme ça. Puis même vous autres, lentement, vous vous empêchez d'être ce que vous êtes parce que c'est pas comme ça. À quoi ça lui ressemblait un maître? Ça l'heure, j'étais en bas, puis je m'en vais des chips au vinaigre. Là, il y a quelqu'un qui vient de s'inscrire à un séminaire, puis qui passe, puis qui dit, « Tu manges des chips? » Excuse. On n'a pas lu le même livre des maîtres. Jésus ne mangeait pas de chips. Il n'en a pas à l'époque, chanceux. Il en a peut-être mangé. Ils ont inventé les hosties, hein? Comme des chips. Chacun sa manière de s'alimenter. On est stéréotypé. Ça fait partie des manipulations. Vous savez que, assis ou comme vous êtes présentement, regardez ceux qui sont autour de vous si vous arrivez à vous voir. Il y a peut-être un des plus grands maîtres de l'humanité assis dans la salle avec vous autres. Savez-vous pourquoi vous ne le reconnaîtrez pas? Il est comme vous autres. Et vous n'êtes pas des maîtres. Vous ne pouvez pas l'être, vous êtes comme vous êtes. Avec la personne qui ressemble à ce que vous êtes, il ne faut pas être un maître. Il faut qu'il marche, il faut qu'il arrive en marchant au moins 6 pouces du sol. Sinon, comment voulez-vous qu'on sache, qu'on y fasse confiance? C'est ridicule! On parle de messages simples, c'est simple, mais c'est compliqué d'être simple. Donc, tout ça pour le vrai moi et tout ça pour bien des choses. La peur de se faire avoir. On se fait avoir quand on ne se fait pas avoir. Fermer la porte à toutes les erreurs, c'est mettre les succès dehors. Fermer la porte à tous les mensonges et foutre la réalité dehors. Comment voulez-vous apprendre à goûter du vin, de l'eau, si jamais vous ne voulez boire aucune des coupes. On vous dit, ne buvez pas d'eau, buvez du vin. Alors, vous n'avez jamais bu ni l'un ni l'autre. On vous présente des coupes avec des liquides dedans. Là, vous vous dites, ouais, mais il ne faut pas boire de l'eau. Fait que, moi, je ne sais pas c'est quoi, fait que je ne bois rien. Là, tu bois, ah, c'était de l'eau, monsieur Dawer! Là, tu as fini par savoir que ça goûte de l'eau. Puis après ça, quand tu as goûté du vin, tu pourras finir par le savoir que ça goûte du vin. L'orgueilleux, il goûte de l'eau, puis il dit, tiens, c'est ça du vin. C'est tellement plus simple. Après ça, il vient à une conférence, puis on lui dit que le vin a une couleur. Puis il regarde son vin qui est transparent. On dit, le vin a une saveur. Il goûte, puis ça goûte à rien. Mais là, il brosse avec son doigt. Il goûte, ça goûte quelque chose. Puis il s'en va frustré. La vérité, ça n'existe pas. La vérité, c'est la coloration de la réalité. Le mensonge, la coloration de la vérité. Mais on doit s'enligner en tant qu'être humain pour faire autre chose que de passer son temps sur la planète. Lorsque tu réussis à faire taire l'ego et que celui-ci s'exprime dans ton corps de façon physique, et cela de façon à te rendre très faible, voire au complet, un complet vidage énergétique, et que tu dis te présenter au travail dans de telles conditions où tu seras inefficace, que faire alors? Continuer à s'en rendre malade par épuisement, ne pas craindre la mort. Ben, la mort, il ne faut pas la craindre, ça ne sert à rien. Ou autre chose va prendre place. Pour l'instant, je trouve cela extrêmement souffrant. Elle. C'est l'impatience qui trouve ça souffrant. Qu'est-ce qui est important? Je répète encore, c'est évident qu'il faut aller travailler, c'est évident qu'il faut essayer d'avoir un emploi. C'est évident qu'il faut qu'on s'organise aussi pour ramasser le plus d'argent, pour réussir à gagner, à avoir le plus de possibilités mais d'expression matérielle possible, le plus d'argent possible. Une prochaine, on va parler du phénomène de l'énergie financière. Les moyens de la manipuler, elle sert à quelque chose. Le problème qu'il y a, c'est que l'humain pense souvent que c'est en la mettant en banque. Ça ne fructifie pas. En banque, c'est une vraie farce. Vous savez que l'inflation vous gruge tous vos intérêts. Finalement, vous perdez du pouvoir d'achat. Puis quand on place à des très, très, très bonnes places, on a 1 ou 2 % d'augmentation sur le pouvoir d'achat, finalement, après que l'inflation ait grugé. Ça ne donne rien de plus. Lorsque l'être humain vit des conditions, on doit s'arranger pour conserver son travail. Mais le problème qu'il y a, c'est que notre vie est plus importante que tout ce qui tourne autour. On travaille pour gagner sa vie. Et la gagner pour juste rien faire avec, ça ne vaut même pas la peine de travailler. On ne doit pas perdre son emploi. C'est sûr que l'individu qui est manipulé parce que l'ego vient la têter. Et ça va arriver. L'ego l'épuise complètement. Et qu'elle continue à les travailler, puis qu'elle est fatiguée, épuisée. Il y a des mutations corporelles qui se passent. Et hélas, l'intelligence supramentale, votre esprit, votre intelligence, n'attendra pas qu'il y ait des conditions sociales privilégiant l'évolution intelligente pour apparaître chez vous. C'est dommage. On est dans un écosystème social con. J'explique quand j'encontre des enfants à l'école, qu'ils devraient avoir le droit de téléphoner leur directeur d'école et leur dire, bon, aujourd'hui, je ne rentre pas à l'école, là, je suis fatigué, je file pas. Puis raccrocher. Ils devraient avoir leur journée de maladie comme les adultes. On a un système social qui fait justement qu'une personne qui est en mutation, en évolution, ce n'est pas diagnosticable, ça ne compte pas. Une raison sérieuse pour manquer sa journée, c'est, à part être syndiqué, là, c'est quoi? Bien, c'est être malade ou aller à un enterrement de quelqu'un de proche. T'haïssais ta mère, 2 jours de congé. T'adorais ton voisin, pas question de congé. C'est pas celui que t'aimes, tu vas voir. Quelqu'un de proche. La personne qui évolue, nécessairement, elle pourra se faire têter. Surtout que si le système neuronique, vous savez qu'est-ce que c'est le cerveau, c'est des neurones, hein? Quand vous êtes venu au monde, vous n'aviez pas d'appétit sexuel. Vous n'étiez pas reproducteur. 100% de l'énergie vitale, la vie, était canalisée vers votre cerveau et votre centre laryngé. Vous deviez apprendre à parler de façon à permettre à l'intelligence d'être exprimée par le verbe. Mais il fallait que le cerveau se développe convenablement. Alors, de zéro aller à votre puberté, vous avez canalisé 100% de l'énergie vitale vers la région cérébrale de façon à permettre l'expression génétique que le cerveau s'enligne génétiquement pour ressembler aux lignées familiales des parents, plus les apparitions peut-être des petits phénomènes mutatoires dominants. Et là, quand c'est fait, la puberté commence. Là, vous commencez à être producteur. Vous sécrétez 2 fois plus d'hormones. Et puis là, vous commencez à vivre votre crise d'adaptation parce que l'ego qui est dans le corps de l'enfant s'exprime dans l'enfant. Quand le corps change hormonalement au complet, l'ego qui est dedans, il ne se reconnaît pas partout. qui expriment de quoi ça marche plus pantoute. Il y a des phénomènes réincarnationnels d'adultes maintenant qui viennent se planter dedans. Oh, vraiment, il devient fou. On appelle ça la crise de l'adolescence, la crise psychologique. Et finalement, il va digérer ces choses-là, puis ce qui va en rester va maintenant continuer à vivre. Si, quand une personne commence à vivre sa mutation, elle se sent épuisée, premièrement, elle ne doit avoir aucune relation sexuelle. Ça va aider énormément. C'est une femme, le problème qu'il y a, c'est que la femme, elle a ses menstruations, ce qui fait qu'elle perd énormément d'énergie vitale pendant ce temps-là, mais c'est quand même pas si pire, c'est une fois par mois, tandis que l'homme, c'est bien souvent, mais c'est pas tous les jours, c'est très souvent. Étant donné que l'individu a une certaine phase de sa transformation corporelle par rapport à l'évolution de sa conscience, vit une mutation plus forte, le cerveau, les axones, doivent engendrer des périphériques, il doit y avoir des contacts, on rechange des choses. Et pour cela, pourquoi que quand les neurones meurent, ils se recréent pas? Pour la simple raison qu'il n'y a tellement pas d'énergie vitale au niveau des neurones, des cellules hyper spécialisées, que les cellules gliales prennent le dessus, ou encore que le tissu cicatriciel va plus vite pour se reproduire. Quand on arrive à une mutation comme ça, ce n'est pas des épileptiques qu'on doit créer, c'est des personnes qui vont arriver à être plus efficaces dans leur système neuronique. Alors nécessairement, énormément d'énergie vitale est canalisée vers le cerveau de façon à soutenir la prolifération des phénomènes axoniques, la mutation neuronique, pour qu'il n'y ait pas de problème. Pendant ce temps-là, la personne est à terre complètement. Elle peut même en être malade parce que le corps physique oublie sa forme, donc ça permet au virus de venir engendrer la leur. Il y a des choses comme ça qui vont se passer. Si en plus la personne est impatiente, la personne est frustrée, la personne, etc., elle vit de l'émotion là-dedans, et là, l'âme vient siphonner le peu qui reste d'énergie vitale. Comment on fait pour s'en sortir? On doit simplement considérer que c'est ça qui se passe présentement. On doit rechercher de l'alimentation vitalement vivante, des choses qui sont crues. Hein? Si on mange la viande, on la mange vivante. On pogne la pupitre, on la bouffe vivante. Sinon, on mange des pommes, on mange des céleri, on mange de la laitue, on mange des choses comme ça. Des choses qui ont de l'eau dedans, des choses qui ont du jus dedans. Ça contient plus d'énergie vitale. Et pas des choses qui ont été congelées avant. On parle des choses qui sont capables de mûrir sur une table. Il n'est pas gros, hélas, l'hiver, mais ça, à un moment donné, changeons la société, n'est-ce pas? Et puis, fabriquons suffisamment de serre pour avoir notre bouffe. Peut-on avoir des émotions sans aller puiser dans le corps physique? L'émotion est le têtage d'énergie dans le corps physique. L'émotion, c'est quoi? C'est simplement une réaction endocrinienne engendrée par une perturbation intra-amique. Pouvons-nous avoir des perturbations corporelles sans perturbations corporelles? Non. On ne peut pas avoir d'émotions sans que le corps en souffre. Mais par contre, on peut vivre des sentiments. Le sentiment est une résonance immédiate avec une chose. On en goûte, ça nous énergie, ça nous plaît, ça nous nourrit. L'émotion, ça nous vide. Quelle est la mécanicité fonctionnelle de la thérapie nommée Rebirth? Quels sont les effets qu'elle engendre au niveau de la psychologie de l'âme? Bon, je ne veux pas parler contre ou pour des choses. Sachant une chose, c'est que l'oxygène à l'intérieur du corps physique est un comburant. Ça entretient une combustion. L'hydrogène est le combustible, c'est lui qui brûle. L'oxygène a une problématique, c'est qu'elle oxyde, elle fait rouiller les choses, hein? Les automobiles, il y a un paquet de phénomènes. Et elle fait rouiller le corps physique, c'est-à-dire que l'oxygène finit par se greffer à certaines cellules et lentement, elle transforme le code génétique de la cellule et la cellule commence à vieillir. Ça engendre le vieillissement. Le Rebirth fonctionne à partir d'une hyperventilation, donc d'une accumulation massive d'oxygène au niveau du corps, ce qui engendre des problématiques au niveau cérébral, des problématiques qu'on appelle de l'hyperventilation. L'hyperventilation est, en dehors d'une thérapie, une pathologie psychologique. On prend la pathologie et on s'en sert maintenant comme thérapie. Ça vient perturber suffisamment l'expression immédiate de l'âme au niveau de son système nerveux et neuronique, pour que ce qui va s'exprimer, des choses qui possiblement viennent du canal ou viennent de parties qui s'expriment à peu près jamais au niveau de l'ego, puissent maintenant là avoir la chance de s'exprimer. Donc, dans un rebirth, on peut arriver à sortir des choses qu'on ne connaissait pas de notre personnalité. Mais ça brûle le cerveau à la longue, à la très grande longue. On a des milliards, on a en masse de neurones, mais quand même, ça brûle et ça crée certains problèmes. Pourquoi le rebirth doit être fait absolument sous une supervision d'une personne qui connaît l'affaire? Parce que sinon, il peut y avoir des problèmes physiques qui peuvent même être très graves. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à se retrouver un peu. Ça peut, de temps en temps, replacer certains corps qui sont déphasés. Ça a certaines utilités. Mais c'est une thérapie qui est... c'est pas une médecine douce. C'est une médecine aussi violente que si vous preniez des médicaments. L'âme est le problème. Pourquoi elle a été créée? La matière, c'est inerte. Ça accumule de l'énergie, puis lentement, la matière commence à vivre. Accumulant de la vie, ça fait des plantes, ça fait des anémones qui sont le mélange, la plante et l'animal. Lentement, ça se spécialise. Bon, on en parle souvent dans le séminaire, on définit tout. Là, on va y aller plus rapidement. Jusqu'à un moment donné où le corps physique doit être capable d'entrer en contact avec de l'intelligence. L'intelligence, le problème qui est là, c'est comme si vous prenez... C'est comme simplement si vous prenez un verre d'eau. Le verre, vous le videz, vous le mettez dans le frigidaire, dans le congélateur. Et après une journée, vous le sortez et vous le mettez dans un plat d'eau chaude. Qu'est-ce qui arrive? Le verre casse. Et là, on va dire, oui, mais pourquoi il casse? Dans la matière, c'est ce qui se passe présentement, il casse. Alors, on prend le verre et on le sort du congélateur. On peut le mettre sur le comptoir. Puis on attend. Et lentement, après quelques heures, dans le cas de l'homme, après des millions d'années, il se réchauffe. On appelle cela évoluer. Et après ça, on peut, on ne le met pas dans l'eau bouillante tout de suite. On place de l'eau chaude dedans. Et là, on le réchauffe. Il évolue. Et jusqu'à un moment donné où on pourra le mettre dans l'eau bouillante, il ne cassera pas. Alors, le verre, qu'on sort du congélateur et qu'on fout dans l'eau bouillante, éclate, lui en déduit que jamais l'homme ne doit regarder Dieu. Parce que sinon, il saute. Mais celui qui évolue le verre, qui évolue lentement, qui se réchauffe lentement, mais finalement, il va là-dedans, puis aucun problème. L'âme apparaît donc sur le corps vital, et l'âme, c'est ce qui va permettre de vous faire, de vous animer. Ça va permettre une sécrétion hormonale chez vous, ce que j'appelle, moi, l'évolution, l'initiation lunaire, l'initiation reliée à l'animal humain. Alors là, on a des désirs, on veut ceci, on veut cela, on chicane, on s'engueule pour des mots, pour des raisons, pour des idées. On a peur, on est angoissé, on a de l'espoir. Bref, ça nous amène partout, ça vous amène ici, ça vous amène au cinéma, ça vous fait aller magasiner, ça vous fait regarder du linge, pas savoir ce que vous prenez, puis vous aimez ça, puis vous savez plus, puis ça coûte cher, puis on sécrète, on y va. À un moment donné, l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle engendre des désirs, hein? Ça va de soi. Le désir engendre la déception. La déception, elle oblige l'âme à prendre les mémoires et à les amener dans une région particulière, qui est le mental. Elle engendre le mental. Le mental, c'est une question cortexienne au niveau des neurones. Et lentement, le mental finit par être tellement vibrant qu'il entre en contact avec l'intelligence. Et là, maintenant, l'âme doit s'en aller. Mais l'âme, elle est de la mémoire. Elle s'est identifiée à travers les millions d'années d'évolution. Et l'âme peut rester. L'âme, c'est l'ennemi de l'esprit. Et c'est pourquoi l'âme a été créée. L'âme était essentielle pour que le corps finisse pour aller chercher une conscience. Il y a toujours un peu de conscience dans l'âme. Cette conscience-là doit devenir le seul maître chez l'homme. Voilà pourquoi l'âme a été créée. La semaine prochaine, on parle de la gestion de l'énergie financière. On ne parle pas de comment gérer de l'argent. On parle de ce que c'est que l'énergie financière. Quand on comprend comment elle marche, on peut nécessairement l'attirer, mais la seule chose qu'il y a, c'est qu'attirer l'argent pour se sécuriser. Quand on a une raison intelligente de faire quelque chose. Un jour, une personne m'a dit, j'étais en Égypte, c'était génial. La prochaine fois, je vais avec mes enfants. J'ai dit, ça va coûter cher. J'ai dit, j'ai rien qu'à être plus riche. Ce sont des raisons intelligentes. Et ça attire de l'argent. C'est le monde astral qui manipule toutes les forces financières sur la planète. Les crashs économiques comme les petites bourses, n'importe quoi. Oh. On va parler de ce que c'est. Ça vous intéresse? Ça va peut-être être rentable. Alors, on se prend pas au sérieux, puis bonne fin de semaine.